Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ouais, oh, bonsoir. Eh oui. Eh bah oui. Bah évidemment. Elle se marre déjà, elle connaît. Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau. Oh là. Hop là. Oui, dans ce nouvel épisode du Floodcast, comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment ça va après cette petite lampée que tu viens de te faire? Ça va. Je suis un petit peu fatigué, mais ça va. Ouais, je sens qu'il y a un petit peu. En sous-régime, mais ça va. Ça va monter. Ouais, ça. Mais t'es un diesel, de toute façon, je crois. Je suis un diesel. Je suis terrible pour l'écologie. Nous avons deux invités aujourd'hui. Notre première invitée, c'est sa première fois dans l'émission. Elle est autrice, compositrice et chanteuse et actrice depuis très peu. Et là où certaines femmes enceintes préfèrent vomir et passer devant dans la queue de Super U, eh bien, elle a enregistré un nouvel album, Mon Sang, dispo absolument partout. Mais si elle est là aujourd'hui, c'est aussi à l'occasion de Jolie Jolie, son premier rôle au cinéma, qui l'a fait rejoindre le cercle fermé des chanteurs-comédiens tels Lady Gaga, Selena Gomez, de ta gueule, hein, je te... ou encore Vincent Lagarde. Il a dit le pire truc sur les femmes enceintes. À l'instar de celles qui préfèrent vomir et dépasser les gens dans la queue du Super U, oui. Certaines font des albums. Oh, pardon. Excuse-nous, Flaubert. Excuse-nous de pas être toutes des superwoman. J'ai effacé et je trouve ça dégueulasse. Mais il fallait que j'enlève ou pas? J'arrive pas à savoir, Laura. Bon, en tout cas, c'est Clara Luciani. Oui, ouais. Bienvenue, Clara. On est ravis de te recevoir. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là aussi. Aussi belle compagnie. Oh, merci beaucoup. Alors là. Enfin, tu parles de Laura, j'imagine. J'ai spoilé notre deuxième invité. C'est une habituée de la maison, c'est ce qu'on appelle une taulière, la baronne. J'ai envie de t'appeler la baronne. La rondière du coin. Elle risque pas d'avoir le soleil dans les yeux vu les différentes casquettes qu'elle a sur le crâne. Théâtre, télévision, cinéma et maintenant musique, car dans Jolie Jolie, elle donne de la voix dans le rôle de Mirette. Et alors vous Mirette, protégez-les parce qu'elle va vous en mettre plein la gueule. C'est Laura Felpin. Mais je sais que ça lui plaît, c'est pas juste un beauf, c'est suis. C'est bien écrit, hein. Ah ouais, non, mais c'est à fait, attention. On est ravis de vous recevoir toutes les deux, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci. Avec plaisir. Non, c'est trop cool. Alors, Laura, tu connais, comme à l'accoutumée, on va faire les news du Floodcast. Ah oui, c'est depuis génial, quelques jours, une traîne sur TikTok, alors je sais que t'as la réponse, mon bon Adrien, sur le premier jeu. Bon, une traîne TikTok consiste à mettre le feu au bout de son index et de son majeur, et ça prend une ampleur considérable. À votre avis, pourquoi de plus en plus de jeunes suivent cette trend sur TikTok? Je le dis dans 5 secondes. Dépêchez-vous, j'ai envie de jouer. Attends, j'ai pas compris. Ils mettent le feu à leurs doigts? À leurs doigts, leur index et leur majeur. C'est sur TikTok, ça prend de plus en plus de place. Et à votre avis, avec pourquoi tu mets un peu d'essence au bout de tes doigts, tu allumes, ça fait une flamme. Mais dans quel but? Peut-être dans le but de se maquiller ensuite? Non. Alors non. Non, c'est, mais c'est un truc genre qu'on fait ensuite avec les doigts brûlés. C'est, oui. Il y a un petit geste. Il y a un petit geste qui suit. Non. Vous voyez, vous visualisez de quel doigt on parle déjà. Elle s'est tout fait au milieu. Non, pas du tout. L'index et le majeur. Ah oui, l'index et le majeur, oui, on visualise, ouais. Crac, crac. Oui. Ah, pour faire le signe de victoire. Non. Non, c'est des fins sexuelles. La version année 2020 de. Ouais. D'un signe qu'on ferait avec les doigts. Qu'est-ce qu'on pourrait Jules faire? Oh. Qui l'a dit? Oui. C'est Jules. C'est Jules. Tu peux arrêter de faire le V de la victoire. Merci. C'est pas du tout Jules, ça. Non. Elle fait comme ça, c'est Jules. Elle fait comme ça, sans image. Un peu d'imagination, les gens. Voilà. Alors, c'est lié à Joule. Et pourquoi c'est lié à Joule? Parce qu'en fait, dans une de ses pochettes, il fait ce geste, il s'enflamme le bout de ses doigts sur la pochette de l'album. C'est peut-être de la post-prod, attention, hein, il l'a peut-être pas fait pour de vrai. Oh là là, mais tu débunks tout. Je sais pas, peut-être. Attention. Non, mais en gros, l'idée, c'est imbiber ses doigts d'alcool, de parfum ou de gel hydroalcoolique avant de se les approcher d'une flamme. Voilà la nouvelle tendance. Et après, faire le signe de Joule. Et après, le monde va bien, ça fait. ça fait plaisir. Hein. Bah, c'est un peu le problème, c'est quand du coup il y a des ados qui se font un peu mal, hein, parce que bah, ça brûle tout simplement. Grimace, panique, brûlure, picotement. Grimace, hein. Ah oui, parce ça que... va loin. Hein. Grimace. Oh là là. Attention, faut intervenir tout de suite, il a fait une grimace. Là. C'est ce que disent les docteurs. Bah, quand ma femme enceinte a accouché, il y a eu une grimace. Donc j'ai tout de suite appelé le docteur. Donc sur les réseaux, on peut voir des mains entières qui se font enflammer par erreur, des doigts noircis ou encore un départ de feu sur un drap. Et à force de voir les choses brûler sur les réseaux sociaux, Joule a tenu à réagir. Il a dit, j'ai vu la trend que vous faites sur TikTok, ça me fait plaisir, mais je pense que c'est dangereux pour vous. Si vous pouviez arrêter, ça m'arrangerait. Mmh. Ah, il a mis les points sur les i. Sur les j, d'ailleurs. Avec beaucoup sur le s également. Et oui, Laura, j'ai toutes les rêves de Joule, tel que tu me vois. Je suis jeune, en fait. Mais attends, excuse-moi, mais le J c'est le S. Ah, c'est le S, ouais, oui, oui, non, non, bien sûr. Yes. C'est ça. Évidemment. C'est exactement la même chose. Ok. D'accord, mais c'est complètement débile, hein. Pardon. Oui, mais vraiment, tu sais, quand on était adolescent, est-ce qu'on faisait pas des choses débiles? Moi, alors, je faisais Jackass, moi, par exemple. C'était beaucoup plus débile. C'est agrafer les couilles à une table. Ouais. Non, c'est non, faux. C'est mais fou. Jackass le fait, par contre. Pardon. C'est une vraie ref. Il plaisante, hein. Ouais, ouais. Mais c'est non, mais c'est un vrai truc. Mais oui. Tu faisais pas des choses un peu folles, toi? Elle ressemblait à quoi, l'adolescence de Laura Felpin? Je suis en Alsace, là. Attention. Je suis en Alsace. Bah, déjà, j'ai mis un blouson, évidemment. Elle est contextualisée à Mulhouse, donc effectivement, il y a déjà un vécu, il y a quelque chose. On c'est apporte... plutôt les tartes qui sont flambées là-bas, que les doigts, j'ai l'impression. Non, mais je me permets ce petit trait d'humour. Elle est tellement nulle. J'ai plus rien à dire, en fait. C'était pas du tout ça, en tout cas. Je fumais, je me rappelle, des fausses cigarettes dans du papier, tu vois. De temps en temps, je faisais genre, je fumais, mais vraiment, c'était le seul truc que j'ai fait un peu zinzin. Ah ouais, bon bah. Non, tu mangeais les nouilles instantanées, là. Ah oui, je mangeais, je faisais des. Ouais, t'as une bonne mémoire. Bah, oui. Je faisais. On mangeait à midi un. Comment on appelle ça? Un sandwich. Je sais plus comment on appelle ça. Bien sûr. C'est plus, je mange plus de sandwich. Bah non. Et dedans, on mettait sandwich à la rosette et dedans, on mettait des yum yum. Yum yum, voilà, c'est ça. Un truc de soupe instantanée, mais pas cuite. Oh là là. Bah, cru avec le piment, la sauce pimentée dedans. Bon, je pense un petit sandwich au cancer, quoi. Oui, donc tu vois, peut-être vaut mieux se brûler les doigts, quoi. C'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Non, mais je m'excuse auprès de tous les gens qui se brûlent les doigts. Oui, oui, bah, qui nous écoutent d'ailleurs, nombreux. Mais ça m'arrangerait si vous pouvez arrêter. Oui, voilà. Toi, Clara, elle ressemblait à quoi ton adolescence? Non, moi j'étais hyper sage aussi. J'ai pas fait de dinguerie comme ça. Je me suis rien brûlé. T'as pas fait une frange un peu trop courte à un moment? Non, c'était il y a un mois, ça. Il faut toujours que tu remues le couteau dans la plaie. Mais non, ouais, non. Et vous étiez fan sage. Vous aviez quoi comme poster dans votre chambre? Déjà, est-ce qu'il y avait du poster dans la chambre? Moi, des trucs assez cool, franchement. Des trucs, des groupes de rock. Pas de. Développe. J'avais les Buzzcocks, j'avais. Oh, ah oui, d'accord. Oh là là, donc précise, ouais, ça va. Oh. Précise. J'étais déjà assez bon goût. Les Buzzcocks, ouais. J'ai jamais punk. trop aimé Oasis, c'est ça. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, mais en même temps, tu n'as pas peur de te... Il y aura pas mal de chansons dans cet épisode. J'ai toutes les références. Ah, non, si, moi, Oasis, j'y suis allé tard, bizarrement. Je pense que j'ai eu un truc un peu bobo. Parce que ça passait beaucoup à la radio, donc ça m'énervait un peu. Moi, j'écoute Pulp, tu vois, donc c'est vraiment un truc du cul. Mais après, j'adore Pulp. On reste dans le domaine du jus de fruits, hein. Oasis, Pulp. Non, mais je me dis, je sais pas. Ah, c'est terrible. Parce que les gens rient, je précise pour les auditeurs et les auditrices, ça rit juste silencieusement. Donc c'est terrible. Ça pouffe. N'hésitez pas à donner de la voix quand vous voyez. Je suis très mal, je transpire. Je transpire. C'est son nouveau. Ça peut pas être pire que l'épisode d'avant. Et toi, Laura, quel poster il y avait dans ta chambre? Bah, moi aussi, il y avait des posters alternatifs. Genre. Bah, les... Cite le groupe qu'elle vient de dire. Tokyo Hotel. Non. C'est alternatif. Tout. Pulp. Ah, Pulp, pas mal. Trio. Les Rapcocks. Il y a un peu plus. Les Rapcocks. Les Rapcocks. Les Rapcocks Chili Spokes. Non, moi, très concrètement, il y avait Joshua Jackson en Dawson. Ah, oui, bien sûr. T'étais cette team. T'étais team Pacey. Il n'y a pas d'autres teams. J'ai pas du tout envie d'en parler. Si tu penses qu'il y a une autre team que celle de Pacey, en fait. Mais est-ce qu'il y a. J'ai quand même un porte-clés avec Dawson qui pleure. Moi, j'étais team Jack. Tu vois ou pas? Oui, bah parce que j'ai toujours. En fait, comment hein? Il est gay, lui. Oui, mais ça, c'est le drame de ma vie, en fait. Oui, bah moi, je d'accord. Ça a commencé très tôt. J'ai toujours été amoureuse de garçons homosexuels. C'est pas très radiophonique, mais Clara saisit Laura à la gorge. Voilà. Oh là là, vraiment, elle est en train de l'étrangler devant nos yeux. Bon, c'est un petit peu gênant. Tout en chantant, t'es tout pour moi, t'es tout pour moi. C'est là qu'on l'a perdu. Non, Dawson, moi, c'est vraiment Dawson, quoi. Ouais. Et après, je pense qu'il y a eu un peu de Britney Spears. Ah oui. Enfin, non, mais je veux dire des trucs de Dawson. Et après, il y a eu quoi encore? Donc de la pop quand même. Tu n'as pas eu une période. Non, je faisais genre, j'écoutais Slipknot. Et j'avais marqué. Je crois qu'ils avaient un groupe qui s'appelait. Enfin, ils avaient un album qui s'appelait Follow the Leader. Non, et oui, on en avait parlé, c'était Korn. Ouais, voilà. Et tu mettais des t-shirts de métal. Ouais, après, il faut arrêter de m'inviter parce que du coup, j'ai toujours. Non, mais si vous savez tout, bah lui, entre les New New. Les New New. J'ai essayé de te lancer. Posez pas de questions en fait. Tout le monde va, vous le savez tous, vous connaissez tous, je suis un livre ouvert, c'est relou, voilà. Fallait faire une pause et je l'ai un pas fait. Un livre de 3 pages malheureusement. Fallait se retirer, il y a un pas petit de pamphlet dans la boîte aux lettres. Ouais, puis après bah, vous savez tout est là quoi, tout est là, donc tout va sortir au cinéma, il y a pas d'autre vie à côté, il y a rien eu à côté. Il y a plus que le cinéma dans ta vie, il y a que plus qu'à inspirer un petit burn-out histoire d'avoir un petit peu de profondeur dans les années qui arrivent parce que là c'est rien que il faut avoir des trucs à raconter quoi. Voilà, on arrive au bout, ouais. Et vous avez pas cédé à des modes? Genre la tectonique ou des trucs comme ça. Ah, pas du tout. Non, non, non, pas du tout. Non. Enfin, mais bon, quand même, moi j'étais. Si t'écoutes les Buzzcocks, je pense, non. Ah, ça dépend, tu sais, il y avait des. Moi, par exemple, j'ai commencé métal et après j'ai fait rock. Ah, oui, c'est vrai. Tu vois, y a des... J'ai eu un petit truc un peu bébé rockeuse. Ouais, bien t'as sûr. Pas eu ça, toi bah, tu l'as encore. Wow. Non. Arrêtez. Bah, là. T'as un côté. Mais t'es trop stylé. Vous engueulez, et en fait. Je pense que tu vois pas bébé rockeuse. Quand même, hein. Non, mais Rocus, c'était vraiment les perpétuaux très serrés. Non, mais t'es plus Saint-Laurent rock'n'roll, mais t'es quand même un peu genre. Ah, ça se démarque comme ça. Ah, on peut citer tous les pas de soucis. Pour moi, c'est vraiment toi qu'on dessine dans une BD si on dit genre, elle était là, elle mangeait un sandwich de jambon beurre dans un petit café alternatif. Je suis végétarienne. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, t'es la parisienne par excellence. T'es comment ça, je suis la parisienne par excellence? C'est un peu ma puce. Tout ce que je dis, c'est que là, ce qu'on projette sur toi, c'est un truc hyper chic. Putain, tu dis merci des fois. Bah, c'était pas évident, le jambon beurre, c'est pas vraiment le truc le plus chic. C'est vrai que moi je m'attendais, genre une petite cigarette. Enfin voilà, c'était l'image de la ville. S'enfiler un jambon beurre dans le callback. Quand elle réparait des lavabos, on voyait la du cul. Laura, ça n'a rien à voir avec le côté rock stylé comme tu l'as en tête. La parisienne par excellence. Ouais, ouais. Taper un fixe dans les. On met trois Stalingrad, on te voit. Donc, on un truc chic, quoi. Un peu destroy. Comme dans une BD. Oui, le BD, j'ai pas compris. Donc, oui, plus genre bébé brune, truc comme ça. Dans le style, pas forcément ah, la musique. T'aimes pas être mis dans des cases, j'ai l'impression. Ouais, pas. Ah, bah non. C'est ça, mais. J'ai compris un truc. Je définis en deux mots comme ça. C'est plus complexe. Comme mon rôle dans Jolie Jolie, finalement. Eh oui, ouais. Oh, on y reviendra. Elle sait faire de la promo, t'as ouais, vu. Ouais, elle retombe sur ses pattes. Une professionnelle. Ouais. Adri, c'était quoi ta mode, toi? Toi, c'était le rocker Apache. Non, mais ça, c'est quand j'avais. Hard rock, tu veux oui, dire. Le mais ça, hard j'avais quand j'avais 12 ans, quoi. Oui, bah, c'est l'adolescence. Comment? On parle de ça. Ouais, ouais, et bah ouais, c'était ça. Ouais. Du coup. Ouais. Mais en revanche, dans mes posters, c'était des posters de basket. Uniquement. Ah oui, bah oui. Ouais, exclusivement. Donc il y avait un petit peu un entre-deux, genre, mais attends, il doit aimer le rap. Bah ce non, il écoute du hard rock. Qui, ouais, ouais, pas il là. Pareil, insaisissable. Wow, insaisissable en fait, ce mec. Là, on te voit dans une BD, là, par exemple. Voilà. En train de chier dans la rue, dans un container à verre. Mais tiens, un truc chic, quoi. Fais au fusain, fais au fusain. Non ouais voilà c'était ça et après sinon c'était pas trop de conneries. J'ai fait le jeu du foulard quand même. Ah ouais. Ah c'est quoi ça déjà? Tu sais c'est le truc où je me rappelle plus les bah, on si, va peut-être pas dois... dire les règles. Non mais ça, ne le fais pas. Est-ce que c'est un truc où tu t'étrangles? Ouais, oui, le plus ça. Longtemps possible. Ah non mais stop ça. Jusqu'à oh, là, là, ah ouais, ouais j'arrête. Ah, bah... Je ferai plus. Je décroche. Les pauvres ados qui vous écoutent et qui vont se brûler les doigts et s'étrangler à la fin de cette émission. Jules va faire un message et tout ira bien. Si vous pouvez arrêter, ça m'arrangerait. C'était un jeu vraiment horrible, mais il y avait même eu des campagnes et tout. Oui, pour oui, nous, ils étaient intervenus dans les classes pour dire arrêtez de faire ça. Ah. Renaud était venu en disant arrêtez de mettre des foulards. Moi-même, j'enlève mon foulard. Emmanu, rentre chez toi. Juste, je vous donne les deux premières notes. À chaque fois, c'est important de. Vous voulez écrire la suite. Fait trop bien. Au Japon. Et oui, en Asie, un cambrioleur a été arrêté et se vante d'être entré dans des millions de maisons, ce qui me paraît quand même un énorme chiffre. Un menteur déjà. Mais à votre avis, quelle est sa spécificité? Il volait des petites culottes. Alors, il ne volait pas des petites culottes. Attends, sa spécificité, ce qui fait qu'il a réussi à rentrer dans un million de maisons? Non. Ce qu'il prenait dans les maisons? Alors, c'est pas ce qui. D'une certaine manière, c'est ça. Tu t'approches en tout cas. Est-ce qu'il volait? Alors, il ne volait rien. T'as dit un voleur. Très en bonne. Même temps. Bah ouais. Oui, mais c'était. T'as dit que là, il dormait là-bas, il faisait pipi, caca, il faisait sa vie. Alors, un sandwich. Un truc chic, encore une fois. J'ai chié dans cette maison. J'ai chié dans plus de 2 millions de maisons. Tout le monde s'en fout. C'est plus, apparemment. T'as donné la bonne réponse, Adrien. Ah, volait rien. Il ne volait juste rien. Il vivait dans les maisons. Il y allait. En fait, il avait ce plaisir. Ça fait très peur. Moi, je préfère qu'il vole. Je préfère qu'il vole un truc plutôt qu'il reste chez moi et tout. Oh. La police japonaise a été. Alors, il a fini par se faire choper. Hein, a arrêté ce lundi un homme prétendant s'être introduit par effraction dans plus d'un million de domiciles privés pour le pur plaisir de l'excitation et pour se déstresser. Ah. Selon un porte-parole des forces de l'ordre. Oui, donc quand même. Ouais, non, grand... Il, quand même, il y avait un petit truc qu'il faisait quand même. Grand besoin de déstresser dans cette société quand même. Ah oui, bah oui. Âgé de 37 ans, cet homme a été interpellé à Dazaifu, dans la région japonaise de Fukuoka. Soupçonné d'intrusion dans la propriété privée d'un employé indépendant, il a été arrêté sur la route, en face de la maison. Là, dans la presse japonaise, l'homme aurait érigé l'effraction au rang d'art de vivre. S'introduire par effraction dans les maisons d'autres personnes, c'est mon passe-temps. Je l'ai fait plus d'un million de fois, a-t-il affirmé à la police. Donc, oui. T'es un fou, tout simplement. Wow, un hobby particulier. Cela m'excite au point que mes paumes sont en sueur, dans l'incertitude d'être découvert ou non par quelqu'un. C'est une manière de me déstresser. Ah, c'est pour l'adrer, quoi. C'est pour l'adrénaline, quoi. Laura, quand t'es excité un peu, t'as les paumes qui suintent. C'est vrai. Et tu voles. Ah, nickel. Et tu voles dans des maisons également. Ouais, c'est ça. Bah écoute, toujours une belle compagne d'interview. Hâte de faire cette journée presse avec toi, ma Clara. Toujours, encore une fois, t'es tout pour moi. C'est tout pour moi. D'ailleurs, on peut le dire aujourd'hui, cet album c'est pour toi, c'est pas du tout pour son gosse. Ah, pas du c'est tout toi. C'est un hommage à Laura. Non, mais elle fait genre. Et l'amour de ma vie, et voilà qu'il est mignon. Pas du tout. C'est que pour Lolo. Elle m'allaite d'ailleurs. Je précise, pas là maintenant. Pour les auditeurs, pas maintenant. C'est quoi vous. Vos... Alors déjà, j'ai dit. Allez, on enchaîne. Êtes... Ouais. Est-ce que vous êtes d'un naturel anxieux? Ouais, bah oui, pardon, c'était un mardi matin pour moi. Hier, je me disais vraiment ça, j'avais peur de mourir hier tout le temps. Enfin, lundi, j'avais vachement peur de mourir. Ah et ouais puis, enfin, j'arrêtais pas de me dire. Elle avait peur de mourir. Hier, lundi, elle... enfin, hier elle matin, lundi, ouais. Mardi. J'avais peur de ça mourir. Ça répond bien lundi, à la question, mardi. Cela dit, en tout cas. La façon de répondre à la question, répond à la question. Là, ouais. Encore une belle amie qui me soutient là, dans ce départ d'anxiété. C'est super, mais tu sais plus quel jour on est, c'est tout. C'est pas, ça arrive. Moi, c'est horrible. Moi, de plus en plus avec l'âge, c'est vraiment terrible. De perdre je pense que j'ai vraiment besoin de me reposer. Oui. Mais parce que je pense que ça contribue, moi, vraiment à 50% de ma santé mentale. Vraiment. Et je sens que je suis archi fragile. Là, je me suis dit, ouh, oui, okay, pause. Waouh, autant conscience de la mort en permanence chaque seconde. Genre vraiment à m'imaginer qui va fermer mon cercueil, qui faut que j'appelle pour me maquiller, tout. Ouais, un délire total. T'as, c'est ouf, bah, ça. Moi, t'es juste à moi, Lolo. Et sachez que c'est incroyable parce que tout le monde s'en va à la fin. Et c'est marrant, parce que, merci pour cette chanson, hein, qui arrive pile poil pour moi. Et non, c'est ouf parce que je m'endormais l'autre jour, et en ce moment, je fais vraiment des crises d'anxiété avant de dormir qui font que je me réveille en tremblant, ce qui est assez ouf. Ah, c'est relou. Et donc, je tremblais. Le truc va devenir pas drôle du tout. Plus mais si, on n'est pas obligé de. Je tremblais et tout. Et en fait, j'avais mis un podcast pour m'endormir. Lequel? Je sais plus lequel c'était. Je sais plus lequel c'était. Mais en tout cas, c'était une interview de Julien Doré. D'accord. Et je me suis endormie et tout. Et en me réveillant en train de trembler, j'entends Julien Doré qui dit eh ben voilà, c'est comme ça en fait, quand on a 40 ans, un jour on reçoit des coups de téléphone. Non, il a pas vraiment. Non, si, là, si. C'est Maïté. Bah, non, mais j'ai cru qu'il était là, quoi. C'est un truc de malade. Putain, vraiment, on l'a dit, hein, toutes les casquettes, tous les talents. Non mais, il a pas un accent du alors, tout. Voilà, attends, regardez, il y a mon chien. Est-ce que je peux le chien. Faire comme ça? C'est ma réinterprétation. Okay, de vas-y, voilà. Vas-y, ma Lolo. Il dit oh, peu cher. Non, il dit. Ouais. Moi, c'est acté dans ma tête. Hein. Je viens de rire cet accent. Oh, pique-bou figue. Et bon, voilà. Donc, Daniel Auteuil au dessin de la colline. Pardon, je me suis trompée. On me parlait pas du tout du même film. Donc, non, il dit c'est comme ça, un jour on a 40 ans et puis en fait on a des appels téléphoniques et puis voilà, les gens meurent quoi. Okay. Et, moi j'ai fait genre oh yeah. Bah, Julien. Je me suis réveillée en train de trembler, c'était la seule phrase que j'ai entendue et j'étais repartie pour 3 quarts d'heure quoi de. Ouais, mais bah de tout ça quoi. J'aime trop Julien parce que ça lui va tellement bien de dire des trucs comme ça puis après de faire les crocodiles et puis de repasser dans un truc comme ça. Ouais, et je me dis finalement est-ce que c'est pas ce qui définit à peu près 90% des artistes, est-ce qu'on est on fait pas ce métier là parce qu'on est complètement zinzin. Mais toi, t'as peur, toi? Entre ombre et lumière. Toi oui, très anxieuse. Et aussi très, très peur de mourir. Ah ouais? Mais depuis toute petite. Pour toi ou pour les autres? Alors, tu ne me fais pas ça déjà. Je l'ai pointé du doigt. Pointé du doigt. Excusez-la, elle est très fatiguée en ce moment. Excusez-moi, j'ai les nerfs en pote. T'es à fleur de peau, t'es à fleur de peau. J'ai les nerfs en pote. C'est tellement une phrase que t'aurais pu dire dans ce film. J'ai les nerfs en pote, Mila. Faites-nous une scène là, faites-nous une scène du film. Qu'on m'apporte ma perruque. Mais chantez là, chantez pour nous là. Comment ça nous sommes des. qu'est-ce que je disais, la mort. Est-ce que tu pour as peur de autres, ta mort beaucoup, ou pour toi les deux, les honnêtement. Ouais, ouais, hein. Aussi, ouais. Honnêtement, les deux, mais c'est marrant parce que c'est pas du tout marrant. Mais j'écoutais dans la radio avant de venir une émission et c'était un sondage. C'était 75% des Français souhaiteraient vivre jusqu'à 100 ans. Et oh alors non. Du coup, je parlais avec mon amie, je disais toi, et elle me dit mais là on est en train de dévier là, ça va. Non, pas. Non, non, pas du tout. Alors, non, mais en parler, du coup, ça nous a mené à la fin de vie. Et ton amie t'a dit quoi? Qu'elle souhaitait vivre jusqu'à 74 ans. C'est très précis. Elle a dit après ça se dégrade trop. Ça ah bon, non, pas. Moi je pense que 85. Alors que moi je vais m'accrocher à la vie comme un cheveu à un pou. Je serais incapable. J'aurais pas le courage de dire non, maintenant c'est fini, j'en veux plus. Ouais. Moi 50 balais, c'est rideau. Bon. Sans vouloir mettre une ambiance de merde. Hein. Je vous le dis, hein. Et toi, ma Lolo, dans pas longtemps. C'est quand rideau pour Laura, hein, parce qu'on t'a dit que ça t'angoissait. Le rideau, le départ, le grand salut. Toi, tu vas crever sur scène de toute façon. Non, je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai pas du tout dit. Je crois que vraiment mon seul objectif de vie, et c'est Brel qui disait ça, même si c'était pas le meilleur mec à plein d'endroits, il disait quand même. Le but c'est pas de mourir ou de vieillir. Le but c'est pas de vieillir. Non, mais... fais l'accent du sud si tu veux, mais oui, voilà, merci. Ah, voilà, merci. Y a Frida. Et donc il dit, donc je vais le faire en belge. Si ah, merci Laura. Il dit que en gros, j'arrive plus à faire les dents, fais les dents. Terrible. Je suis complètement en burn-out. Fais les dents. La nana est faux folle. Pardon, non, c'est moi c'est qui que te déconcentre. Je me disais quand même que non mais j'adore ça. C'est juste qu'après je sais plus rebondir. Ah, mais non, mais après je sais plus rebondir après. Donc, quand tu dis que tu adores, tu détestes quand même. On peut dire. Je suis désolé. Que disait ce bon vieux Brel? Il disait le but dans la vie, c'est pas de mourir parce qu'on y arrive tous un jour, c'est d'être un formidable vieillard. Et c'est vrai. Moi, je crois que quand on est vieux et qu'on arrive à être, en tout cas, un peu. En fait, en ce moment, je lis beaucoup du Christian Bobin. Et Christian Bobin, il dit: plus je regarde la vie, plus je l'aime et plus je suis d'accord pour qu'un jour elle me quitte parce qu'elle est comme ça. Et je trouve que c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que j'ai hâte d'être vraiment dans l'amour total de la vie. Et je pense que ça, ça arrive quand on vieillit. Et qu'on vieillit pas pour rien. Et qu'en fait, c'est on meurt pas d'un coup, on meurt tous les jours en même temps qu'on vit, quoi. Donc il y a ce truc de, il faut voir les choses différemment. Mais c'est juste un tout petit peu long à infuser. Parce que quand même, parfois, il y a des moments où bah, la vie, ça s'arrête d'un coup, quoi. Ouais. Et c'est pas... Ouais. Et c'est pas et mais... c'est pas toujours facile. Et ça, c'est un truc qui compte pour moi vachement, c'est de dire, c'est pas une question de relativiser ou pas en fonction de, c'est que la condition humaine n'est pas facile en elle-même de par cette mortalité-là, et que donc la vie en soi n'est pas facile tout le mais temps. Mais c'est marrant parce que moi, c'est plus, pardon, ah, c'est plus ça qui m'angoisse que la mort, c'est de mourir au moment où j'ai un peu compris, tu vois, la vie, tu vois. Ouais. Ouais. Ça y est, j'ai tout compris, j'ai plus d'angoisse. C'est terminé, monsieur. Ah merde. Ouais, mais c'est plus ça qui m'angoisse, tu vois, parce que plus tu vieillis, plus tu dis, ah putain, j'ai compris tel truc, j'ai compris tel truc. Ouais, et tu je dis, comprends. Mais ça a continué comme ça toute ma vie, à la fin. Oui, mais en tout cas, je crois que d'arriver à ce grand laisser aller, de se dire, tu vois, quand t'es vieux, tu sais, il y a des vieux que tu croises et qui te disent, ça y est, moi je me rappelle de mon arrière-grand-mère qui avait dit, ça y est, j'ai eu assez, quoi. Et en fait, c'est énorme de pouvoir dire ça. Ah ouais. Tu vois, et c'est j'espère vraiment un truc de se dire, j'ai eu assez, maintenant on peut y aller. Et là où je me rassure, c'est que je me dis qu'on y va tous, et que comme c'est un grand cycle, je me dis, bon, bah, j'aurais perdu mes parents, j'aurais perdu mes grands-parents, j'aurais perdu des gens que j'aime. Il y a un moment où peut-être ça fera sens pour moi de dire, en fait, il va falloir que j'aille un jour aussi, tu vois. Mais je crois que quand on a des enfants, c'est plus difficile de. Quand on engendre, c'est plus difficile de lâcher l'affaire, quoi. Ah, tu trouves que toi, d'avoir eu un enfant, ça te rassure pas sur le fait de te dire. Bah non, parce que j'en aurais jamais assez. J'aurais tout. Enfin, je trouve ça très dur de dire c'est bon, j'ai fait le tour. Moi, j'ai envie de tout voir. J'ai envie de voir quand lui deviendra. Mais ça, je crois. Parent, grand-parent, tu vois. Je comprends, mais ça, je crois que c'est parce qu'on n'a pas encore 90 ans, quoi. Oui, peut-être. Parce que quand on va se sentir limité dans notre. Et je voudrais juste revenir sur Brel parce que ça m'a fait sourire ce que t'as dit, parce que je le trouve complètement faux cul. Ouais. Il a aussi dit mourir, la belle affaire, mourir cela n'est rien, mais vieillir, oh vieillir. Et c'est cette phrase, moi, qui m'a longtemps beaucoup angoissée, ce truc de c'est vrai que mourir, finalement, on sera pas là quand ça se passera, quoi. Mais se sentir diminuer, ça me terrorise. Ouais. Alors que Brassens, il a dit « Oh con, je pense à Fernand, c'est autre chose. » Voilà. Donc si vous écoutiez des trucs un peu moins déprimants, c'est qui Brassens. Ah. Et il a cité ce poème de Aragon, peut-être, quand... Non, c'est pas Aragon. Quand Brel est mort, il a dit « Il faut s'aimer sur terre, il faut s'aimer maintenant, ne crois pas au cimetière, il faut s'aimer maintenant. Oh, » Et moi, je t'aime, et je t'aime tout le temps. Moi aussi, je t'aime. Vincent Lagaffe. Le big deal. Et qui revient, hein, ça y est. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, le big deal, ça revient là, c'est reparti là. Mais c'est non. Vous avez pas vu la vidéo où il y a qu'est-ce qu'il y a? Non, mais l'éventail culturel de cette émission, on dirait la queue d'un pan. C'est vraiment... Tu notes que quand ça parle d'Aragon, c'est plus d'un côté et le big deal, c'est plus de mon côté. Non, mais là, ça revient. Il y a un nouveau build du big deal en 3D refait et tout, qui a eu un petit lifting, et Vincent Lagaffe qui porte une veste. Un Teddy, je crois, le big deal. S'il y a des gens qui. De la prod qui m'écoute, je fais du M, L. Je veux bien. Mais juste pour revenir tout vite fait sur l'anxiété et être parent, suis jeune papa aussi. C'est fou à quel point ça m'angoisse. Vu que l'enfant, enfin, en tout cas, je pense que la plupart des gens, hein, c'est pas un truc très original ce que je dis, mais devient un peu le personnage principal de ta propre vie. Ouais. Moi, je suis plutôt anxieux des choses de la vie, des trucs qui vraiment m'auraient fait flipper, même des trucs de taf et tout. C'est très cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Qui m'auraient pris beaucoup de place. Plus du tout. C'est fou. Ouais. C'est vraiment plus rien. Moi, j'avais vraiment ces trucs que Laura décrit, ces réveils nocturnes, etc. Et depuis que je suis maman, plus du tout. Ouais. Mais par contre, je stresse pour des trucs débiles. Genre, je suis vraiment. Qu'est-ce qu'il a mangé? Genre, oui, si je sais pas quelle protéine elle a mangé aujourd'hui, ça m'angoisse. J'ai toujours peur qu'il ait froid aux pieds. Ah ou oui, tu veux dire, vous pensez qu'on automatiquement. Parce que toi aussi, tu transfères sur ton enfant, du coup? Je sais pas si c'est un transfert. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu des terreurs nocturnes, mais j'étais quelqu'un d'un peu angoissé quand même, tu vois. Mais c'est vraiment ce truc de rien n'est grave. Moi, je l'ai vu surtout quand. Alors, c'est très. Voilà, ça peut paraître un peu. comment on dit, cliché en tout cas pas si important, mais j'ai eu du mal à monter mon film, ouais. Et ça me faisait chier, ça m'angoissait, je me suis dit putain merde, ça fait des années qu'on essaye et tout, et tout, et ma fille est arrivée pendant, et d'un coup c'était genre, bon bah voilà, il y a un truc concret tout de suite maintenant, qui effectivement est un amour très difficile à raconter, quoi, c'est assez fou, et bizarrement mon film s'est fait assez facilement derrière, et du coup c'était moins... incroyable quoi ça, et, mais ça veut pas dire que c'était moins j'ai mis toute mon âme dans le film, tu vois, mais c'était trop chouette de se dire ah c'est plus le truc le plus capital dans mon bonheur, truc à achever dans ma tête, etc. La vie, c'est chouette, pure, c'est assez agréable. Une nouvelle question: il est possible d'assister à un concert de Taylor Swift pour 11 euros? C'est faux, elle ment, c'est pas ça. Alors elle est pas là. Il est possible d'assister à un concert de Taylor Swift pour 11 euros, à votre avis que faut-il faire? Bah, être derrière un poteau sur Twitch. Alors je pense que c'est ça qu'elle propose. Bah non, mais c'est elle qui avait vendu des places derrière l'écran, quoi. Enfin, je crois que derrière la scène, elle avait vendu des places, donc c'est une dinguerie quand même. Mais si, il y avait une scène et Taylor Swift, quoi, j'imagine. Oh, ah ouais, mais bon, quand même. Ouais, attention. On a une chanteuse autour de la table. J'espère que si tu vas pas, toi tu saurais ça, je pense. Non, vous savez quand même les artistes. Ah bah oui, Zénith, bien sûr. Qu'on dit, il va y avoir des gens derrière l'écran. Après, on est sur une machine. Puis on est sur Taylor Swift. Moi, ma question, alors, je vais vous donner la réponse. Tu l'as donnée, hein, Laura, pardon. C'est il y a des. Clora. Donc vous êtes Clora pour moi, vous deux. Clora fait le pitchy. Alors, non, c'est des places derrière la scène. Derrière la scène, comme ça. C'est derrière la scène. On dirait vraiment. Quoi? Non, on dirait. Tu faisais une chanteuse italienne, ça. Bah non, je faisais Clora fait le pitchy. Je sais pas qui c'est, mais. Ce sera le titre de l'épisode. Oui, c'est des places derrière la scène. D'accord. C'était, en fait, il y a des donc places. Donc t'entends juste. Voilà, il y a des places, je sais pas, en France qui existent, hein, qui s'appellent la visibilité réduite, parce que des fois, effectivement, il y a des salles très réduites, puisque là, là, mais là c'est, derrière c'est vraiment dans le truc qui a écrit des places sans visibilité. Mais sans visibilité. Mais attends, ça coûtait 11 euros la place. 11 euros. Bah autant écrire place de gros bouffon. Franchement, je sais pas, genre. Non, mais après, on parle quand même d'une star. C'est peut-être la plus grande star de ces 50 dernières années, tu vois. Donc non. Alors, je vais quand même t'expliquer un petit peu. Non. Moi, je trouve pas ça hyper respectueux, non. Ouais. Non. Merci. Lors des achats de places pour un spectacle, les prix des tickets varient évidemment en fonction de l'emplacement des sièges. Carré or, VIP, jusqu'aux places à visibilité réduite. Ces dernières sont assez courantes et sont souvent celles qui restent en dernier, parce que souvent les gens n'en veulent pas. Mais là, pas de visibilité du tout. C'est ça, meilleur quand même. Alors, c'est pas dans toute la tournée de Taylor Swift, c'est qu'au Canada. Moi, que quand elle peut aller derrière la scène et construire des gradins pour enculer les gens. Donc, voilà, que quand elle peut faire ça. Non, mais tu sais que moi, je voulais aller voir Adele à Las Vegas pour les dernières. Ah, ça devait être très complet. C'était une petite blagouze. C'est-à-dire que. On l'a agacé. Là, c'est Laura agacée. C'est-à-dire que j'ai dit. Je connaissais un peu des gens donc, dans la production du truc qui me disaient Ah ouais, non, franchement, c'est super dur. Non, mais justement, pour te dire, tu connais des gros producteurs qui te disent je vais essayer d'en avoir, mais je te préviens, c'est au moins 6000 balles. Tu fais ok. Tu fais bon, relou et tout, mais je vais voir et tout. Bah là, je suis allée voir et j'ai vu un gars qui fait une story. Je me dis non, c'est pas vrai. Les dernières places, elles étaient genre à 169 000 $. 169 000 $. Et là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Elle a vendu un vinyle, je sais pas si t'as vu. Elle a quitté, donc elle a dit fin de résidence à Las Vegas, je vends un vinyle, etc. Genre avec les photos exclusives du concert et tout. Il est à 340 $, je crois. Donc plus cher que les premières places qu'elle vendait à Las Vegas. Et les gens ont commencé à dire, elle a eu un mini bad buzz, et les gens ont commencé à dire, là ça commence à faire un peu. 150 000 balles la place, les gens ont dit, non, ça va. Bah là, les gens. Un vinyle à 300 balles, quoi? Les gens. Alors que moi, vous trouverez mes places pour 39 euros. À l'accord Arena. Visibilité complète. Face à la scène, ouais. C'est vrai. C'est moi, c'est face à la scène quand même. Ouais, pas mal. J'aurais pu mourir. Oh. Calopatie. Calopatie, oh, c'est une petite ref. Donc oui, mais ces places sont quand même parties, évidemment. Ouais, mais c'est ça aussi, si les gens achètent. Bah, voilà, c'est la faute est des deux côtés pour moi, pardon. Alors on parle chanteuse, on parle musique, je me tourne tout naturellement vers Laura. On le sait peut-être pas, mais on a déjà entendu ta voix sur le web. Ah bon, tu avais fait bien sûr, un freestyle, les freestyles Jane Doe de la 75e session. Mais t'avais quel âge à cette époque-là? 19 ans, 20 ans. Ouais, je pense. T'avais commencé, ça s'était fait comment? En fait, je connaissais bien. Oh là, c'est compliqué, je crois. Je sortais avec un mec qui était le cousin de Camille. Feu Népal. Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai rencontré Clément, que j'ai beaucoup. Enfin, que j'adorais. Et tu faisais une voix même sur une de ses chansons. J'ai fait plein de voix sur ses albums. C'est ça. Trop bien. Et après, j'avais fait ce petit. Et donc, il m'avait proposé de faire un espèce de freestyle de bouche, là. J'ai fait que ça. J'ai fait une fois. Mais... C'était John Doe et Jane Doe. Et en fait, l'idée, c'est que tu voyais pas qui faisait le freestyle. Laura, c'est une grande chanteuse. Ah ben, ça, oui. Et dans le film, ouais, joli, joli, incroyable. Je trouve que tu le prouves, mais vraiment. Non, mais je vais vous raconter quelque chose. Quand on m'a proposé le film, je me suis dit, bon, je suis terrorisée à l'idée de jouer à la comédie et tout, parce que je sais pas faire ça, c'est pas mon métier. Mais l'avantage, c'est que quand même, voilà, moi, je sais à peu près chanter, et du coup, j'aurai ce truc-là, j'aurai un coup d'avance. Mais ils chantent tous mieux que moi. Non. C'est-à-dire que bon, je commence à entendre la voix de Laura et tout, parce qu'on m'envoie un enregistrement, on me dit, ok, c'est quoi cette arnaque, la meuf est trop douée. Et après ça, on m'envoie José Garcia, je me dis, c'est pas possible. Même lui, il chante incroyablement bien. C'est quoi ça? Il s'est entraîné depuis ton film, alors. Ouais. Ah ouais, c'est pas vrai. José Garcia chante dans mon film, mais il chante en direct, c'est ça qui l'a angoissé. C'est que dans Joli Joli, c'est du playback. Non, mais il chante trop bien dans Joli Joli. Ah, il chante trop bien. Mais non, mais t'es clairement une chanteuse, parce que franchement, enfin, je veux dire, c'est clairement si t'avais cette longueur d'avance, parce que moi j'ai fait je pense 19 heures de studio avec Alex Baupin, vraiment. Mais ça c'est parce qu'il est fou. Et je vois que vous vous avez des trucs de non, genre j'entendais tes trucs. Par contre, j'ai un super compliment, parce qu'à un moment donné Alex m'a dit, on sait plus si c'est toi ou si c'est Clara. Oh. Et j'ai dit, on a le même grain de voix, le même corps, la même on est. Et c'était un super compliment, parce que Clara est une chanteuse formidable. Et depuis que j'ai fait Joli Joli, j'ai une petite obsession pour tout ce qu'elle fait. Et c'est très grave, parce que en fait, c'est ma pote, et c'est devenu un petit peu une obsession. Et je ne vous cache pas que c'est bizarre d'avoir une pote de qui on est un peu obsédé. C'est bien de le dire. En fait, c'est bizarre, parce que tu sais, je l'écoute tout le temps en ce moment, mais je la différencie totalement de ce que j'écoute. C'est-à-dire que je me dis pas c'est Clara. Moi, je fais tous tes sketchs à la maison. Mon préféré, c'est Sephora, je le fais tout le temps. C'est un peu vrai en plus. Mais est-ce que ça t'a donné envie, Laura, pardon, de chanter aussi, vu que tu as comme non, ça, c'est quelque chose qui te. Non, mais non, en fait, t'aimes la poésie, t'aimes la musique. Oui, mais j'adore. En fait, il y a plein de trucs que j'adore faire, et je pense que, et je sais pas du tout si j'aurais envie de faire ça un jour plus sérieusement. Mais c'est surtout que c'est un plaisir qui n'est pas dans le rendement, donc c'est génial. Parce que j'adore t'as chanter, pas le stress, quoi, j'adore ça et tout, j'adore danser, même chez moi, j'adore plein de trucs, et je me dis, oulala, ce serait trop bête que je me prenne au sérieux là-dessus. Pas parce que je serais pas capable, même si je pense que je le suis pas fondamentalement, mais parce que surtout, j'ai pas envie que ça devienne un truc. Moi, c'est vrai que ça au début, juste un plaisir, quand j'ai fait du cinéma, pas. C'était un tout petit truc pour moi. Je me disais, oh, trop les nerfs de faire du cinéma alors que j'adore le cinéma. Puisque tu sais comment c'est après inside le truc, quoi, tu vois. Donc, non, franchement, non. Par contre, le patin roulette, ça, tu t'as découvert. Hein. Il y a une scène en patin roulette. C'est peut-être le seul moment où on sent. Elle est tellement sexy dans cette scène. Elle est sexy en arrivant et en disant, regardez, c'est des rollers. T'es magnifique. Mais je tiens à le dire. Mais c'est vrai que donc toi, t'as fait ce chemin-là un peu comédienne, là, qui a fait beaucoup de chansons pour ce film. Et toi, Clara, c'est l'inverse. C'est ça qui est marrant, tu viens de la chanson. Tu disais que t'étais un peu angoissée. Ouais, c'était hyper dur le moment où j'ai crié, tu te rappelles? Mais non, mais parce que t'as crié dans un coussin. En fait, Clara, c'est simple. Elle dit toujours que elle s'aime. Elle dit toujours que c'est nul. Parce que vraiment, non, oui, t'es je suis trop pas. Dure. Ouais, elle je est trop pas, dure. Alors qu'elle est trop forte. C'est pas vrai. Elle est trop dure. Je suis un peu angoissante. Non, mais c'était dur parce que oui, j'étais la seule à pas savoir jouer la comédie. Donc j'apprenais comme ça au fur et à mesure des jours qui passaient. Et pour le coup, franchement, je pense que si j'avais pas eu tout ce casting de ouf pour m'aider un peu à prendre confiance en moi et tout, je pense que j'aurais paniqué de ouf, alors que là, je me suis sentie quand même vachement portée, notamment par toi. Ouais, mais il y a un vrai côté troupe dans le film, d'ailleurs, moi, je mais trouve. C'était quand même trop chouette. Ça. Ouais, c'était trop bien. Franchement, c'est un des premiers films que je fais où on est tous payés pareil, où on finissait. C'était pourquoi genre... t'as été payé combien, toi? Je sais pas, enfin, normal. Cut. Cut. Voilà, je sais pas, j'ai pris 40K à jour, mais c'est pas la question. Non, mais tu vois, c'était un truc de syndiqué, quoi. C'est-à-dire que quand on disait qu'on termine à 18h, en fait, à 18h, on pouvait dire à un pote, on va bouffer avec toi à 19h en ville, tu vois. En ville. J'ai quel âge? Et où habites-tu aussi? Parce que c'est un truc de banlieusard. C'est vraiment un truc de Mulhouse. Centre-ville, ouais. Pourquoi? Eh, Châtelet. Vendredi, il n'y a pas le marché, on peut y aller. Ouais, c'est ça. Et du coup, franchement, ça faisait quand même qu'on était un peu... tu vois, on était tous traités pareil. Mais moi, il n'y avait pas de loge, il n'y avait pas de mal, du coup. Tous un peu mal, avec des chaufferettes dans le froid. Il y avait des punaises de lit, il faut le dire aussi. C'est ça, la gauche. Le choléra, il y avait un vrai côté. Non, mais c'est vrai que c'était trop bien, l'ambiance était trop chouette. Mais ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir que moi j'ai pris devant le film. C'est que, il y a. Déjà, c'est que des gens de ma génération, à part José, qu'on salue, qui est notre tonton à tous. Et on l'embrasse. Il a pas d'âge, José. Il a pas d'âge, José, attendez. Mais c'est vrai que. Non, mais ça se voit qu'on s'aime. Non, mais c'est beau, c'est. Il y a que des gens qu'on adore, William Lebguil, Grégoire Ludig, Vincent Dedienne, tous ces gens-là, ça fait trop plaisir de voir tous ensemble. Vraiment que des gentils, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai, mais c'est vrai. Et les chansons restent beaucoup en tête. Ça, c'est vraiment. Ah bah, c'est un génie, hein. Ah ouais, putain. nul. J'ai eu ça tout. Je criais nul. Mais on est d'accord que c'est la meilleure chanson du film. Bah, moi j'aime bien Joli Joli. Que j'encule nul. Ouais. Mais nul vraiment. Tout le week-end, j'ai crié nul comme un débile chez moi. Mais en fait, et raté. Et tu sais, on a eu beaucoup de fou rire parce que, en fait, déjà, William, moi, il me faisait toujours un truc comme j'avais quand même fait deux trucs avec lui avant. C'est vrai. Il me faisait toujours. Il imite très bien. Pavarotti, il fait toujours Vivo per lei. Ah oui. Moi, dès que je vais chanter, j'ai je suis mort de rire. Et quand il faisait nul, bah clairement j'avais l'impression nul. Là. Quel lieu culte parisien a définitivement fermé ses portes le 20 novembre dernier? Ah, c'est Michou, c'est chez Michou, c'est non? C'est pas chez Michou, ça fait quelque temps. Est-ce que c'est une salle de concert? Ce n'est pas une salle de concert, bien qu'il y ait eu quelques concerts à l'intérieur. Mais c'est pas une salle de concert. C'est un musée. Restaurant. C'est pas un musée, c'est un restaurant. Oh. Les bains. Pas les bains. Un restaurant donc, que j'aurais pu fréquenter. Ça vous donne un énorme indice vu alors, le McDonald's. Ouais. Le McDo des Halles. Le KFC de Stalingrad. Un peu plus chic, mais pas beaucoup. Genre Chartier ou un truc comme ça. Là. Indiana Café. Non. Tu fais voler mon sac à dos, l'Indiana Café. Hard Rock Café. Le Hard Rock Café. Ah oui, l'enseigne a fermé, non? Oui, pas d'attachement particulier. Mais... En fait, je m'en fous. T'as tellement fait monter la mayonnaise que je. Oh. Il y avait mais mon rock. Jamais hard rock, tu sais, oui. Ouais. Mais en fait, non. Dès que ça touche à la musique, elle a un réflexe. Attends, il n'y en avait qu'un à Paris? Pas touche à ma guitare. Non, il n'y avait qu'un à Paris, il y en avait un à Marseille et à. Nice ah, mais tout, ils ont tous fermé? Tous fermés. Ah, attends, quoi? Ah, ouais, il y en a plus en France. Partout dans le monde? Il n'y a plus d'hard rock café en France. Et dans le monde? Et on n'a pas foutu le feu à l'Elysée encore. Ah ouais. En même temps, le concept était un peu vague. Oui. Bah, hein. Moi, j'ai jamais compris. Je suis jamais foutu les pieds déjà. Et le hard rock, c'est une fois, plus. Enfin voilà, avec tout le respect, et Dieu sait que je suis un metalhead, mais vraiment, c'est ça a un peu vieilli quoi. Je pense dans les années 80, ça devait être vraiment quelque chose. Mais le concept, c'était t'allais manger des frites et il y avait des guitares au mur. Oui, il y avait. Bah, c'est ça. Tu venais manger à la maison, hein. C'est pareil, hein. Ouais, ouais. Peut-être c'est t'as un truc à prendre là, Clara. Peut-être ouais. Trouver un petit resto. Mais non, cela mais dit, bah, c'est ce que je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous les trucs. Là, tu peux faire une petite vente aux enchères. Ah bah c'est sûr qu'il y en aura une. Des guitares de Clapton, des trucs comme ça. Mais nous avons le regret de vous informer. Oui, je suis un ringard. Qu'est-ce mais qu'il y a? Pas du tout. Mais quoi? T'as pouffé de rire. Mais parce que tu vas en acheter une si c'est en vente, c'est sûr. C'est vrai. C'est trop cher. Non, trop cher, je pense. J'ai pas le fétichisme des objets à ce point quand ça dépasse un certain chiffre. Oui. Parce qu'il y a quand même pas mal d'objets. Oui. Bah il y a ma compagne. Collector. Oui, mais oui, la bondo, ta compagne. Ouais. Celle-là. Dans le cadre là-bas. Où tu mens sur le montant, je pense, oui, que tu l'as payé. J'ai acheté un livret de blagues d'un humoriste américain que j'aime beaucoup. Qui est? Combien? Dis-nous, on n'est pas tiré par les mêmes choses. Ah, peut-être des chiffres. Je connais ça, j'ai la pato. Notre gueule, un humoriste américain que je... Bill Cosby. Combien? Je l'ai payé, je savais combien? Voilà, on voit le menteur. Non, parce que je t'explique, il y avait des frais de port où je me suis fait avoir. Donc en fait, je crois que j'ai dû payer 400-500 balles, alors que sur le site, il y avait écrit 200 balles. Mais ah oui, donc à la fin, je me suis fait un petit peu. Les taxes? T'as payé genre 300 balles de taxes? Taxes plus frais de port. Allez. Non, mais. Je débunk. Dans ma tête, je débunk. Ça va, c'est franchement, faux. Pour un truc que t'aimes bien. Pas va. Donné. Ouais. Je non, préfère mettre donné. 400 dans ça que 11$ pour voir l'arrière de la scène de Taylor Swift. Voilà. Pour voir 3 Roddy fumer des clopes de Taylor Swift. Bon, ça va Donc, oui, nous avons le regret de vous informer que nous sommes fermés, a dit le Hard Rock Café. Sans expliquer des pourquoi, des pour qui. Bon, après, il y a une énorme chute d'argent, hein, selon les comptes disponibles de la société Hard Rock Café France. Une perte d'1,8 million d'euros pour l'exercice 2022, soit le double d'année précédente. Aïe. Ça ne tient pas. Ça ne tient donc plus. C'est la faute. Ouais. Non mais c'est bien. Tu joues comme ça dans le film. Alors aïe. Mais blonde. Non mais il y avait plus de Planète Hollywood, plus d'Hard Rock Café. Moi c'est ça qui me. Ah putain moi, mais oui, le petit provincial, ça, c'est ce qui me faisait rêver quand j'étais petit moi. Ouais. C'était quoi? Moi je connais pas Planète Hollywood. Pardon. C'était le Hard Rock Café du cinéma un peu. Ouais, t'as une photo de Schwarzenegger au mur, tu manges des frites. Je pense que je suis trop jeune, j'ai pas. Il y en avait aux Champs-Élysées. Bah, les trucs qui descendaient comme ça là. Oui, je m'en souviens très bien. Ouais. Bon, on a le même âge, hein, je pense. Bah oui. Après, j'ai grandi en Bourgogne, donc tu rajoutes 10 ans. T'es plus jeune, non? J'ai 32 ans. Ah bah, vous avez le même âge. Même âge, ouais. Mais. On ne porte pas pareil. Oui, je suis plus marqué par la vie, je sais bien. Mais tu ressembles à Paul Mescal, donc ça va. Mais quand j'avais. Oui, à Disney, t'as jamais vu l'espèce de grosse planète à l'entrée là? Ça me dit rien. Bah, c'était Planète Hollywood. Et c'était l'équivalent. Pourquoi tu me regardes comme ça, Laura? Non, je te regardais, t'es belle. Tu vas faire quoi de ça? Tu vas m'envoyer de l'amour? Parce que moi, c'est ce que je fais. Clara, tu viens du sud de la France. Laura, tu viens d'Alsace. Ça représentait quoi pour vous, Paris, quand vous étiez jeune? C'était un but à atteindre ou peut-être l'endroit juste où vous pouvez faire votre art? J'aime trop un but à atteindre. Bah, il y avait un peu ce rêve-là, le rêve provincial, Laura. Franchement, non, mais pas pour du toi, tout. Ça l'était. Bah, moi, oui, moi, Laura, tu rigoles. Mais parce que moi, je crois que je connaissais même pas Paris, franchement. Ah ouais? Je savais pas, je viens de Mulhouse. Moi, oui, l'éducation nationale, là, vraiment. Il y a eu un problème, hein. Oui, pardon, mais. C'est là où il y a le Hard Rock Paris, Café. Je connaissais même pas. Alors, on va manger au Planet Hollywood. Ça n'a pas de sens. Non, moi, c'était pas un rêve Paris, mais c'est parce que dans ma tête, le seul endroit où je pouvais exercer mon métier de rêve, c'était Paris. Ah. C'est ça. Toi, t'avais. Ah ouais, non, moi, j'avais vraiment un rêve parisien, ouais. Ah ouais. C'est... Après, faut se resituer un peu. Moi, toi, mon tu es adolescence. Le Carcassonne, toi, Nan. Comme Julien Doré. Julien Doré et Clara Luciani. Oh, Jean-Michel Apathy. Franchement, monsieur a beaucoup à nous offrir. Non, mais en vrai, tu vois, je. Donc j'habitais à Septèmes-les-Vallons quand j'étais ado et les bus s'arrêtaient à 20h, j'avais pas de vie et oui je fantasmais une certaine liberté que je pourrais atteindre ouais. à Paris etc ouais. Mais t'es acheté des stickers de Tour Eiffel que j'avais mis à ma fenêtre et je prétendais regarder la Tour Eiffel à travers mon... Oh, ah oui, ouais, une question, et aujourd'hui je suis là avec vous dans un appartement haussmannien. Le rat de Ratatouille un petit peu. Putain, avec tout le respect que j'ai pour toi, il y avait un peu ce truc de... C'était moi. C'est Clara Ratatouille. Oh là là, attention. Oh, et donc toi, Laura, pas du tout. C'est un trop mignon dessin animé, Clara Ratatouille. Mais un peu un plagiat. Et dis tout pour moi. Un petit rat qui chante tes albums. Oh, quelle grande idée. Laura, toi, tu ne fantasmais pas Paris du tout. Je crois pas, je te jure. Et pourtant, j'y avais été avec mon père. Je me rappelle, j'ai une vidéo de moi en train de faire des roues devant la Tour Eiffel, vraiment, pour montrer que j'allais faire des roues. Non, je crois pas du tout que je me disais que c'est là que ça se passe. D'ailleurs, moi, je suis arrivée à Paris par hasard. Mais je pense qu'il y a la réponse, c'est que toi, t'étais allée, moi, j'étais jamais allée. Ah oui, bien sûr. Vois, mais voilà, c'est pour moi, ça je pense rêvais. Que mes parents fantasmaient pas du tout Paris. Mmh. Et puis en plus, et pourtant, je viens quand même. Tu vois, c'est pas une ville où pareil, hein, après 20h, il y a pas grand-chose à faire. Mais aussi, moi, j'y suis allée parce que quand je voulais, enfin, j'ai à la fin de mes études à Strasbourg, j'ai voulu être jeune fille au père et je voulais partir en Australie. D'accord. Et en fait, j'ai un copain de ma cousine qui est venu manger chez nous et qui me dit. Il y avait une annonce sur Opera World à l'époque et une famille m'avait répondu, c'était une famille de Parisiens. Et moi, je voulais pas du tout partir à Paris. Enfin, je voulais partir à Los Angeles, quoi. Ouais. Et je vois l'adresse. Mon cousin voit l'adresse et me dit, bah, franchement, je pense que tu devrais aller voir. Parce que c'était au-dessus du Café de Flore. Okay. Et en effet, je suis arrivée là-bas et j'ai dit, ah, je vais peut-être, peut-être poser mes affaires. Là où Clara mange un jambon beurre, a priori. En train de fumer une cigarette. Voilà. Un jambon végétal. Oui, baguette. C'est ça, exactement. Et le du coup, c'est comme vie. Ça que je suis arrivée à Paris. Et alors, c'était ouais. génial parce que c'était vraiment Paris dans les Chaux-de Bonne, dans le 6e arrondissement. Ouais. Et vraiment, dans ma tête, j'étais vraiment Léo Ferré. Et après, c'est. T'étais Ratatouille aussi, là, ouais, du coup, ouais. pour le coup. Enfin, ouais. pas Rémi, pardon. Ouais. Et toi, comment t'es arrivée sur Paris, du coup? Je suis arrivée quand j'avais 19 ans. Ouais, j'avais vraiment rien. J'avais ma guitare et j'avais pas d'argent. Et j'ai très vite été. C'est génial ce que tu viens de dire. C'est pas vrai, je te crois pas. Je te jure que c'est vrai. J'avais ma guitare et pas de sous en poche. Je suis arrivée hier. Mon jambon beurre, ma guitare. Et puis j'étais c'est Gérard tout. Mes yeux dans Marché Lombre. Non, je te jure que c'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé un petit travail chez Zara. On n'a pas le droit de le dire. Si, je Zara. Ouais, totalement le droit de dire. Une chaîne de vêtements. Ouais. T'as le droit de le dire. Le plus grand Zara de Paris, là, boulevard Haussmann. Ouais. Bon, là, par contre, tu veux faire de la pub pour ça avec des vêtements sublimes. Oui. Avec le code. Avec le Clara Louche. Clara Louche, pas pour 20%. Non, mais voilà, donc, et puis j'essayais de faire de la musique quand je rentrais chez moi, etc. Donc, c'était pas facile. J'habitais dans 9 mètres carrés que j'arrivais pas à chauffer. C'est horrible ça. Ouais, bah ouais, c'est horrible. Que t'arrivais pas. Et alors, il y avait un truc terrible aussi, c'est qu'il y avait un souci de canalisation. Et à chaque fois que ma voisine allait. Utiliser ses toilettes pour la grosse commission. Faire popo. Eh bien, ses créations remontaient dans ma douche. Oh ! Donc, j'ai plein de souvenirs de moi qui prends la douche avec des bottes de pluie en pleurant, quoi. Non. Voilà, ça, c'est ma jeunesse. Voilà. Putain, le biopic va être. Pour 500 génial. Euros par mois, quand même, hein, le truc que je louais. C'est ouf. Le biopic du petit Ratatouille. Avec des bottes pour éviter la merde de la voisine. Ça rebotte. Le Raluciani. Ça se classe directement au top 50. Voilà. Et alors toi qui étais de banlieue, mon Adri, Paris c'était le rêve. Non, pas du tout, franchement non. Justement, tu t'en passais, t'étais genre mais alors là. Je crois que je me posais même pas. En fait, j'avais aucune ambition, donc aucun rêve de Paris, de quoi. J'étais genre oui, ça existe Paris, mais c'était pas. Ouais. Non, c'était pas très intéressant ma jeunesse malheureusement. Non, j'avais pas du tout. Ouais, non mais c'est. Tu te douchais même pas un peu dans de la merde de voisine. Non mais donne-nous quelque chose. Bah, je chiais de la douche pour essayer d'avoir la vie parisienne un peu. C'était je toi chiais, ma voisine. Non, ouais, c'était pas du tout un rêve. J'y suis allé parce que je me suis installé avec mon ex, machin, mais c'était pas genre un rêve d'aller m'installer à Paris et tout. Ouais. Moi j'ai un peu ça aussi. Hein, et moi, puis après, Paname m'a chopé, m'a plus lâché quoi. Paname t'a caressé le crâne, t'as embrassé. Bah, c'est vrai que les possibilités de Paname maintenant sont infinies. Elle m'a chopé par le callback et puis voilà quoi. C'est quand même j'ai pris ma gratte, mon petit foulard. Je suis allé sur la ligne 13. T'as fait le jeu du foulard, bon t'as dit d'arrêter. J'étais sur la ligne 13. J'ai fait le jeu du foulard sur la ligne 13. On m'a arrêté. Les Pandores, ouais, elles m'ont foutu au trou, au newf. Et puis voilà, maintenant, j'ai scarifié. Maintenant, je dégueule. Paname m'a scarifié. Ça s'infecte et puis ça soigne. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Parfois ça sointe. Voilà, ça fait encore mal, mais ça fait du bien. Alors on va quitter Paname pour aller à Marseille. Parce qu'à Marseille, il y a un problème de signalisation. C'est pas la capitale, je rappelle. Oh non. Mais Zumba Café, j'ai l'impression. Ouais, bien quoi. Sûr. À Marseille, un problème de signalisation sème la zizanie. À votre avis, lequel? Alors, quel problème de signalisation? Alors, un panneau? Ce n'est pas un panneau. Un problème de signalisation. C'est un feu vert. Plusieurs, moi, vraiment. J'en vois alors, beaucoup. Alors, c'est lié à un feu, effectivement. Mais est-ce que c'est genre un habitant qui a installé son propre feu? Non. Non, mais des fois, il y a des gens qui font non, ça. Non, hein. Non, on avait raconté dans le podcast un mec qui avait mis un radar, par exemple, devant chez lui pour que les gens ralentissent un peu. Il a rendu. Et un dodan aussi. Et un faux dodan aussi. Des gens qui font des dodans devant chez eux pour que les gens ralentissent. Putain, c'est génial. Qu'est-ce qu'il a fait avec le feu? Donc, c'est lié. Alors, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. C'est un problème qu'il y a avec la signalisation. Et du coup, on... Donc c'est un feu tricolore, c'est ça c'est qui déconne. C'est un feu tricolore. Un feu bloqué au rouge. C'est une très bonne réponse. Wow. Oh là là, j'ai gagné quoi. Je peux choisir mon lot sur l'étagère en fait. Bien sûr. Depuis 6 mois, selon les habitants, un feu rouge d'un boulevard des quartiers nord de Marseille est bloqué sur le rouge. Aucun stop, aucune signalétique provisoire n'ont été ajoutées au sol pour le remplacer. Même temporairement, problème, une école et un arrêt de bus font qu'à certaines heures, voitures et piétons cohabitent mal, c'est joli. Ça, c'est quand c'est... Attends, ils ont pas parce que j'étais deux mois à Marseille là, donc je voudrais savoir à quel endroit c'était. C'est quartier nord, j'ai pas plus. Ah non, j'étais pas allé, je pense. C'est là où Gilles Lelouch tabasse des mecs. C'est dans ouais, le c'est juste là. Le boulevard Henri Barnier. Ah non, ouais. Non, est une voie départementale. Alors en fait, c'est tout le monde se rejette la faute, c'est ça qui est un peu. Ah ça, c'est le. Mais ça, c'est la paperasse française. Mais ça, non, mais voilà, alors ça, mon pote. C'est pour ça qu'on c'est l'administration pas. Française. Alors ça, adjointe à la mairie du 15 du 16e, et ça change au 1er janvier, ça passera à une gestion métropolitaine. Le feu routier est par ailleurs sur le domaine du bailleur. Donc en fait, tout le monde se rejette un peu la faute et du oh coup. Oh là là. Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? 6 mois. Ouais. Moi, je vais y aller, je vais aller. Clara prend, ouais, c'est clic, c'est clac. Ouais. Ouais. Je vais intervenir. Est-ce que ça y est, d'ailleurs, tu as ton permis de conduire? Ça avait affolé la toile, ça, à une époque. Non, c'est. Non. Ah, mais elle a pas le temps. J'ai passé, mais j'ai passé enceinte et du coup depuis bah j'ai été en enceinte. Quoi, ah oui, ouais. Mais tu c'est l'as un tu état. L'as oui, ok, d'accord. Mais je connais voilà. Très mal les femmes. Non, elle l'a passé en singe. Le gros bidou là. Et c'est le tu sais quand on vomit et quand on les queues, voilà. Et quand on les queues. C'est. Et je l'ai passé donc en étant. Mais tu l'as eu? Alors je l'ai eu. Bravo. Ça a l'air de travailler apparemment. Non mais attendez. Attendez, il y a un petit épisode 2 automatique. C'est qu'en fait, oui, automatique. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Pas non mais du coup après ça j'ai été incapable de conduire parce que je me disais oh s'il m'arrive un truc enceinte machin et ah, tout. Le temps a passé, ensuite j'ai eu un bébé, je me suis dit oh si je conduis qu'il arrive un truc au bébé etc. Et du coup j'ai plus jamais conduit en fait, donc j'ai mon permis mais j'ai jamais conduit. Mais je c'est... comprends mais non. En plus je peux bah, faut plus remettre, conduire à Paris trop tard. C'est... Ouais. Tu voudrais que je te dépose quelque part? Non mais je connais quelqu'un qui peut t'aider, voilà, j'ai des bons noms, un chaman du côté de voilà, non mais voilà pas une grosse réussite. Moi j'ai conduit 3 jours après avoir mon permis, j'ai fait 3 tonneaux, donc tu vois peut-être t'as raison. C'est pas vrai. Si. T'as fait 3 tonneaux. T'as un truc avec le chiffre 3. Mais t'es pas mort. Non. Si, putain, si. Mais que t'as eu. Mais regarde. D'ailleurs, à qui parles-tu là? Mais t'as dû avoir trop peur. C'est mon émission. Oui, j'ai eu un peu peur, effectivement. Et non. T'as reconduit après? T'as pas eu peur? Tout de suite. Ouais, ah, parce ouais, que son ça, père l'a voilà, forcé. Parce ça, que mon père m'a forcé. Ouais, mais c'est ça en fait la technique, c'est quand t'as peur d'un truc, faut le faire tout de suite. Parce qu'après, on peut t'envoyer le père de Florent. Ouais, avec grand plaisir. Ah ouais, vraiment, je pense que c'est ce qui manque à ta vie. C'est affreux. Non, ça va. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est que j'avais des gens dans ma voiture. Donc là, le moment où tout le monde va bien. Et tout le monde va très bien. J'ai juste eu un peu de verre dans le bras. Allez, c'est bon là, Chardy là. Mais j'ai même pas pleuré hein. Bah, t'as vu comme quoi la ceinture c'est important hein. Ouais, ça, on le dira jamais assez. Mais j'avais pas bu hein, je le dis au cas où quand même. Parce que j'ai juste eu. En fait, il pleuvait, ouais. Il y avait une voiture qui arrivait en face qui était un peu au milieu. Donc je me suis rangé, moi j'avais 18 ans, je l'ai passé très tôt le permis. Ouais. Et donc ma voiture a patiné et voulant me remettre, vilain geste. 3 tonneaux. Ah là là, mais bien. Voilà, c'est pour ça, putain, que je mais veux non, pas conduire. En fait, faut que t'ailles en province, tu loues une voiture. Ça m'est arrivé en dans province. Dans un bled. Ça. Non, mais dans un bled où ça roule. Ah non, faut faire à Paris. Parce ça tombe bien, j'ai non, parce que Paris, t'avances tellement pas que tu peux pas faire d'accident. J'ai rien compris à ce que vous avez parlé en même temps, désolé. À Paris, non, mais ça tourne en même temps. C'est deux cops. C'est parce qu'en fait, on est vraiment connectés. Faites-le en harmonie au moins, quoi. Les 3, vieilles folles 4. Ce soir. Laura, t'as le permis toi? Ouais, j'ai le permis. Ça conduit, ouais, bah ouais. J'ai le permis, mais depuis pas très longtemps, depuis 3 ah ans bon et demi maintenant, 4 ans. Ouais. Ah, je pensais et que je suis passée à Paris, moi, avec une super meuf qui m'a vraiment. Qui était une sorte de. génie du c'était une ancienne comment on appelle ça en fait j'ai eu le permis. Pilote. Je l'ai d'abord passé dans une auto-école où le mec m'engueulait systématiquement. Ah bah t'as eu ça. Et moi toi comme aussi, il m'engueulait, j'avais non, des fous rires. Oui. Ah oui. Je disais mais enfin tu ne peux pas m'engueuler, tu n'es pas mon père. Et il me gueulait dessus. Et un jour j'ai eu une nana qui m'a conseillé quelqu'un d'autre et cette femme était une ancienne inspectrice justement sur le permis de conduire. Okay. Et maintenant elle avait pris une dispo pour faire ça pour faire rouler les gens et j'ai roulé avec elle partout dans Paris. Elle m'a fait fermer les yeux sur l'autoroute pour sentir ma voiture. Oula. Je vous jure, elle m'a fait faire elle a... donc, un chaman vraiment, quoi. C'est vraiment... elle a mis le frein à main quand on était sur l'autoroute. Elle s'appelle Sonia Lehner, je crois, c'est ça son nom de famille. Et il y a un petit code promo il y a pas de code promo, mais elle prend le même prix que dans une auto-école et elle est, sans déconner, en fait elle va pas t'apprendre à conduire. Mais elle est indé bêtement. En fait elle, oui, est... elle est indé. Elle et, prépare, et c'est légal et tout, tu fais tes heures de conduite. Ah oui, elle a un permis en plus. Non, mais c'est des heures de conduite qui sont validées et tout, machin, mais c'est pas dans. Putain, mais je savais même pas que ça existait. Tu quoi. Peux, ouais, c'est des gens en indé, ouais. Ils t'accompagnent pour faire ton dossier après en général. Et t'as conduit dans Paris ? Et du coup, moi j'ai conduit dans Paris et c'est ça qui m'a sauvé. C'est qu'en fait, elle m'a fait faire des ronds-points de la Bastille à blanc, quoi. Mais parce elle que m'a dit, moi. On est parti, quoi. Pardon. Et là, t'as les ronds-points choix, de la Bastille, c'est ta prochaine comédie musicale, je crois. La Bastoche. La Bastoche. Les ronds-points de la Bastoche. Avec Benjamin Biolay, là, en train de dire. Les ronds-points de la Bastille. La Bastille, les ronds-points. Dis donc, il y a Doré, il y a Biolay. Tous les faire. Ah ouais. Découvrez Laura Felpa, la femme aux mille voix, avec Aznavour. Genre putain merde. Hier encore, j'avais 20 ans. Oh, pas mal. Edith Piaf. Moyen. C'est Edith Piaf. J'aime bien qu'elle ait collé pas mal à la fin de son truc. Pas mal. Et pas mal. Pas mal. Je l'ai. La marque d'une grande confiance à sa prestation. C'est pas drôle. Une blague dans tes spectacles. Vous dis, pas mal. Non, pas mal, que non. Que du plaisir. Enchaîne les blagues. C'est Cédric qui pas mal. Pas mal là, quand même, ce qu'elle vient de faire. C'est pas mal. Cédric que j'ai spoté dans Joli Joli. T'as vu, il est trop marrant, putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Je voudrais juste dire que c'est vraiment c'est un très, très, bel très bel homme. On l'a vu un anniversaire c'est vrai, c'est récemment, drôle, très bel homme. C'est vrai. Ah oui, c'est il brillait de mille feux. J'étais pas là, putain, j'étais tech. T'as raté. Je tournais dans un coffre, voilà. Littéralement, j'avais bien les nerfs. Un coffre de voiture. Je recevais vos WhatsApp et j'étais là, genre, j'ai les nerfs en fait. Et c'est hilarant parce que c'était l'anniversaire d'un copain à nous qui faisait une espèce de fausse soirée stand-up. C'était trop marrant. Et du coup, moi, ma meilleure copine y était avec Cédric, mais ne connaissait pas ce mec en question. Et en rentrant, elle m'a donc fait un débrief du spectacle. Ah et elle m'a dit, nul, j'ai bien aimé ce passage m'a un petit peu plus mis mal à l'aise. Et j'ai dit, non, mais je crois que c'était vraiment genre un anniversaire et que la blague c'était de faire ça. Est-ce que t'as parlé d'un mec avec un chapeau de matelot ? Elle m'a dit que tu étais le plus marrant. Arrête. Elle m'a dit que tu avais ton chapeau que t'enlevais, que tu disais, c'est le personnage qui fait la blague. J'adore les compliments. Qu'est-ce que je te dis, ça me régale. J'en manque dans mon couple. On va arrêter avec la fausse modestie dans cet épisode. J'ai à peu près chanté. T'es chanteuse. T'es Clara Luciani en fait. Donc tu baisses d'un ton. Donc tu baisses d'un ton. Laura qui dit non, chante pas bien. Chante pas bien du tout. Tu remplis des zéniths, ma belle. Voilà, donc on arrête. Laura joue pas si bien. Un Molière. Donc tu baisses d'un ton aussi. Il est rangé où le Molière ? C'est des trucs qui m'ont régalé à chaque dans fois. Dans mes toilettes. Ah, bien sûr. Mais là où il y a tous mes trucs de. Parce qu'en fait, je le vois tout le temps, du coup. Petit problème de transit, apparemment. Mais... C'est ça qui vient avec Laura, c'est non, que c'est pas vrai, il est derrière moi. Comme au concert de. De quoi ? Taylor Swift. De Taylor Swift. Grave. T'es la Taylor Swift de ton Molière, en fait, hein, d'une certaine manière. Et toi, Victoire de la musique, rangé où ? Dans une cheminée. Ah, pas dedans. Mal. Dessus. Bah, en fait, non, dedans. Comme ça, je sais qu'elles sont protégées, que l'enfant peut pas y accéder. Et qu'à tout moment, ils peuvent brûler et que ça te rappelle l'imperméabilité. Ça me rappelle les doigts des ados sur. voilà. Non, mais tu vois, j'aurais pensé que tu passais le permis plus tôt parce que, en tant que personne de province telle que moi souvent, il t'a pointé du doigt à 2 cm du visage. Tu es une personne de province ? Ouais, mais je sais pas, j'ai cette image de. Mais Mulhouse, tu sais, c'est assez. Il y avait beaucoup de trams, hein. Ah oui, donc mais quand même, ça. C'était beaucoup. Oui, c'était quand même une grande ville. T'es né où, toi ? C'est-à-dire qu'il y avait l'électricité aussi, vous saviez ? Enfin, c'était une ville où il y avait. Moi, c'est arrivé en 2002, 2003. Moi, c'est une ville qui s'appelle Autun, donc c'est au fin fond de la Bourgogne. Bourgogne. Ouais. Il y a vraiment pas grand-chose, tu sais. Pas d'imitation sur. Manger les pieds. Chercher un artiste. Ah bah non. Un artiste bourguignon ? Je crois que c'est moi. Et Christophe Lévesque, hélas. Il y en a. À chaque fois, il y a des gens, on croise des gens, ils viennent tous de. De Bourgogne ? De Bourgogne, j'ai l'impression. Ça a l'air de te faire chier en tout cas. Ah oui, c'est bon là. Bourguignol, ça suffit maintenant. J'ai une dernière question et après on passera aux recommandations. Déjà, mais ça file à une vitesse complètement folle. Bah ouais, mais non, enchaîne promo sur promo. Bah, je comprends. Moi, et AVP pas mal après. De temps libre. AVP derrière. Bien sûr. Vous venez à dire que notre c'était Paname. J'ai déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu et Adrien, ça l'intéresse pas. Donc, je me... Non, mais calme... Non, Adrien, calme-toi. On en parle tout à l'heure. Fais les choses dans l'ordre. Un site. Non, pardon, je vais plutôt faire celui-là. Le site CareerStat a fait un sondage pour élire les métiers les plus stressants. On parlait d'angoisse. Ah. Selon les gens, je vous demande ce qui peuple le top 10 des métiers les plus stressants. Ah bah chirurgien du cerveau, je pense que ça doit être. Alors c'est délire. Super précis. Non, assistant de Guillaume Play. Chirurgien. Alors je n'ai pas les deux que vous venez de dire. Investisseur. Hein. Ouais, mais qui sont très proches pourtant. Policier. Policier. Oui, ça doit être dedans quand même. Et quatrième effectivement. Ah pas mal. Quatrième. Médecin. C'est pas le premier. Infirmière. Alors tous les gens. Non, il y a pas de métier de la santé. De la médecine. Bah, je pense que ce sont d'ailleurs fous. Ces gens travaillent vraiment 19 heures par jour pour 1100 euros par mois. Ouais, mais Pépou, je crois. Un président. Un truc dans la politique, non? Non, mais vu que c'est un sondage, je pense pas. C'est un sondage. Ouais. Président, il y a que des présidents. Ah mais attends, c'est des sondages. Ce que pensent les gens. Ouais. En fait, oui, donc. Mais président n'y est pas. Ok, ok. Parce qu'il doit être stressant. Astronaute. Il y a pas astronaute. Pilote c'est... automobile Pilote, non, mais il y a pilote de ligne, troisième. Ouais, ça doit être bien stressant. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Devant flic, ok. Devant flic, mon pote. Il y a en stress de Max, il doit y avoir. Il n'y a pas genre serveur ou un truc comme ça? Ah, livreur. Non, y a, écoutez, non, il n'y a ni Attends, serveur ni livreur. Ah ouais, genre coursier à Paris. Non, ouais, alors que j'aurais cru aussi. Ah ouais, non, vraiment. Bah non, mais parce que. Je demande des merdes avec les coursiers à Paris. On parlait de circulation, c'est pour ça que je dis celle de Paris. Et d'ailleurs, je. Velu. Quel enfoiré. T'es un enfoiré, je peux pas te dire mieux. Attends, les métiers stressants, ça m'intéresse. Oui. Est-ce que les gens vont dire artiste ou un truc comme ça? Il n'y a pas, bah non. Non, j'espère pas. Parce qu'il n'y a pas de médecin, les gars, donc je me dis. Ça va. Oh là là. On n'est pas essentiel. Ça va, on a compris. Vous êtes les pires gens. C'est pas ça. Vous êtes les pires gens en fait. Je veux pas traîner avec vous. Je vous aime pas. Je vous aime pas. Je vous aime pas. Non, chauffeur de bus. Il y a pas chauffeur de bus. Il y a chauffeur de taxi. Oh ça. Eh ben, alors, c'est marrant. Près. C'est ce que j'allais dire avant que vous me coupiez la parole. Non mais c'est que la dernière fois je revenais d'un tournage et le chauffeur de taxi il me disait ah quand même c'est dur hein, comme métier comédien et vraiment dans ma tête je disais bah non vraiment chauffeur de taxi c'est vraiment mille fois plus dur. Ouais. Enfin c'est pas. Bah, dur, ça dépend du tout, comment comme tu t'en. Enfin franchement en vrai je pense que c'est juste que ces gens-là projettent d'être devant des gens donc ils se disent c'est un truc de public. Ouais mais. Quoi. Donc, ça c'est pas des gens aussi. Ils côtoient des gens aussi. Ça fait que ton métier c'est imiter Renault derrière un micro. C'est vraiment. Oui. Non, mais. Quand j'avais dit dur, je pensais plutôt arrive, à la transformation quoi. De Taraïm dans Aznavour. Je ne pensais pas forcément au flot de cash. Je crois que j'ai trouvé la formule Aznavour. Oh. Ah si, c'est Aznavour. Attends, excuse-moi, j'ai Taraïm au téléphone. Ah, il s'excuse, hein, il est pas aussi bon que toi. Bah oui, bah, ils m'ont pas pris. Il a merdé. Je vous donne les 10 métiers les moins stressants. Ok, vas-y. Okay. Masseur, assistant en pharmacie. Je trouve stressant. Ouais, parce qu'ils ont demandé aussi. C'est stressant, les mecs, c'est genre vraiment précis. Non, non, être massé, c'est pas stressant. Masseur. Ça dépend qui tu masses. Ouais, ouais. Analyste en recherche opérationnelle, je ne sais même pas ce que c'est. Non, bijoutier. Attends, tu sais pas ce que c'est un analyste en recherche opérationnelle? Non. Non, non, mais personne ne cite ça dans un sondage. Non, je te donne le sondage tel qu'il non, est. Mais c'est faux, Adrie. Encore une fois. Qui dans la rue va dire ça? C'est un sondage Facebook. Bah, écoutez, moi bijoutier, je dirais analyste, j'ai oublié le nom. Bijoutier, oui, bijoutier professeur d'université. Audiologue. C'est faux, ça. Audiologue. C'est même pas un métier. Non, mais audiologue. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Coiffeur. Non, non, mais déjà, bijoutier, c'est stressant de fou. Bijoutier, les c'est patineurs stressant. Artistiques en top one, c'est très stressant. La glace. Mais non, là c'est les pas stressants qui disent. Mais qui dit bijoutier, c'est stressant. Dit, t'as peur de te faire braquer. Qui dit l'autre là, regardez-le là. Mais non, mais c'est faux. C'est. Mais non, je te donne. C'est CareerStat. Et donc c'est quoi le plus top et le top pourquoi Carice fait des stats déjà. Et le plus top du stress. Non, le plus stressant. Le plus stressant, c'est militaire. Clara Tatouille. Le plus stressant, c'est militaire. Le plus stressant, c'est militaire. Dans mon perso, pardon. Ah, mais attends, c'était pas les moins stressants, c'était les plus. Là, je viens de te dire les moins stressants, et là, du coup, il fallait deviner les plus stressants. Et le plus stressant, c'est militaire. Oui, mais du coup, tu viens de dire. Moi, je pense que c'est otage le plus stressant. Oui, mais tu viens de dire du coup le plus stressant en même temps, je suis perdu. Là, je vous donne les plus stressants. Donc, vas-y. Premier militaire. Ok, attends, donc on devine plus, c'est fini, il y a plus de temps. Il reste 10 minutes, mon pauvre ami. Bah oui, mais bon, elles ont une grosse journée pro. Militaire, pompier, pilote de ligne, policier, reporter TV. Donc je pense qu'eux ils, dépend... voilà, ils, ouais. Ils ont en tête. Oui, ils ont en tête. Mais soyons précis. Fair en fait. Enough. Organisateur d'événements. Bon, allez. Non. N'importe quoi. N'importe quoi. Non mais attends. Wedding planner. Wedding planner. Les gens ne répondent pas au WhatsApp. Journaliste presse, responsable de relations publiques, cadre supérieur et donc chauffeur de taxi. Cadre supérieur. Ça peut être plus vague encore. C'est pas un métier. Cadre supérieur. Je vous invite à joindre CareerStat. Je sens qu'il vous a agacé. Moi je pense que c'est les écologistes actuellement en France qui vraiment. Il y a juste ça. Voilà, ils se font chier toute la journée. Carrière, ça se crée comment? C'est quoi? Comme une carrière en anglais. Écoute, tu vas faire un procès hors podcast. C'est faux. Tout est nul. fermer ce site, c'est n'importe quoi. Voilà. Chers amis, avant de vous quitter, on va faire les recommandations culturelles. Alors, c'est juste quelque chose que vous avez aimé récemment. Pas forcément un truc récent d'ailleurs, mais ça peut être un film, un album, du théâtre. Un compte Instagram. Un compte Insta, un bouquin. Au hasard. Peu t'importe. Et Adrien, tu vas nous dire ce que tu as kiffé récemment. Bien sûr. Moi, c'est un compte Instagram, justement. Oh. De cuisine. Comment ? L'Insta Clara Luciani. Non, non, c'est pas ça, du tout. c'est un compte de cuisine. Alors, le compte s'appelle Alonimotep. A-L-O-N-I-M-H-O-T-E-P. Ok. On va le mettre en description. Vous ça me le repassez ça. On le fait jamais, ça, malheureusement. Ouais. Vous repassez l'extrait et vous m'envoyez pas un MP pour me dire c'était quoi le truc que t'as recommandé. Réécoutez l'épisode, en fait. Allez, sortie de piste. Adrien Ronchon. Non, non, mais t'as eu raison de le dire. C'est jingle. Adrien Ronchon. Mais un petit peu R&B, j'aime bien. Je me fais une petite collection. Aznavour, Adrien Ronchon. Tu n'as pas. Toujours pas le Tu n'as pas Aznavour. Alors on arrête maintenant. T'en as eu plein d'autres. Celui-là, tu l'as pas. Ah, je l'ai fait en clara. Oh non, Adrien Ronchon. Non, ça m'a fait. Vous êtes d'accord que ça me ressemble absolument pas. Vous savez quoi, c'était quand même 3 mois le tournage. Tous les jours, la grenade. Tous les jours. Non, mais normal, ça, je le fais super bien, Clara. Tu le sais très bien. Alors, fais la grenade. Faux. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Non, je vois quand même, Clara. Genre, tu vois. T'as non, mais c'est pas vu la. Une femme. Il y a les paroles, quoi. Ouais. Il y a un peu de Morane quand même, mais. Ça mais reste toujours plus Morane quand même, ouais. C'est. Ok, nickel. Détruisez-moi, chiez-moi dessus la prochaine fois. Un on est là, Piaf. On vient tous les et deux mois en fait taf. Et j'aimerais bien que tu reviennes au Floodcast. Eh ben ouais, je vais revenir, mon pote, je vais revenir. Je vais m'ouvrir, je vais ouvrir mon cœur. Edith Piaf, allez, vas-y. Oh, portez par là. Non. Ah oui, elle est belge, elle est belge. Ouais, elle est là. Elle est belge, t'as dit, elle est belge. Elle est un peu belge. Donc, Yamimotep, non, mais. Non, attends, je vais quand même, s'il te plaît, aller jusqu'au bout. C'est de la cuisine. Alors, il a deux qualités. Il n'a pas une voix énervante. Ah. Et il ne parle pas au futur quand il parle de cuisine. On va venir faire ça. Non, arrêtez de faire ça quand vous parlez de cuisine. Hein. Ouais. Faites-le au présent. Jingle, hein. Soyez dans l'instant présent, tout simplement. Ouais. Et juste, il fait plein de bouffe. C'est souvent vegan. Ouais. Pas toujours, mais souvent. Donc agréable. Et en fait, c'est des plats qui donnent hyper envie. Ça donne envie de les bouffer et de faire à bouffer. Et en ce moment, il fait un calendrier de l'Avent où il fait une sauce par jour. Ouais. T'es tellement sauceur. Toi, j'adore la sauce, moi. Alors, ouais. Sauceur, non, ça va. T'es soupeur. Non, ouais. Sauceur, c'est autre chose. Ouais. Sauceur, non. C'était sûrement la voisine de Clara, ça, là. Oui, Clara Tatou, il était encore en train de souper, envoyez-moi. Oh là là, mets bien tes bottes. Il est bien son rire, non? Son rire, carrément. Putain, je suis vraiment rentrée dans le personnage. Ouais, quelle sorte. Elle va prendre une semaine pour sortir du perso. Là, là, là, là. Voilà, Alonimotep, en ce moment, il fait une sauce par jour. Ça, okay. Bah, ça régale, il fait plein de plats, c'est très bon, voilà, super. Voilà. Sublime. Même. Laura fait le pain. Oh, franchement, c'est trop dur. Eh oui, au lieu d'imiter Mal Aznavour, il fallait réfléchir. Tout le temps, hein. C'est vrai, si tu veux, cliché, mais j'écoute tout le temps la bonne de Clara en ce moment. Ah, bien sûr. Vraiment, pour les fêtes de Noël. Donc, vraiment, alors, je sais pas comment s'appelle cette chanson, mais tout le monde s'en va à la fin. C'est quoi pu bosser un petit peu. C'est quoi la. Pour un album que t'écoutes tout le temps, tu ne connais pas les. Ça s'appelle Romance. Romance, ouais. Ouais. Ben, l'album Mon sang de Clara Luciani, c'est ça que bah tu ouais, franchement ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un album que tu recommandes par exemple comme cadeau de Noël ou Ouais, je le recommande comme cadeau de Noël. Pour le vinyle, il y a des couleurs différentes sur les disques, voilà, on peut le dire, voilà. Je le recommande pour tout, je recommande aussi Zao, non je rigole, je commence à faire deux temps. Et Angèle que j'adore beaucoup. Bon, voilà, j'ai trois chanteuses que j'aime beaucoup beaucoup. Adèle aussi quand même. Le vinyle à 300 balles. Adèle évidemment, Céline Dion pour ceux qui aiment les classiques. Et bien sûr Natacha Saint-Pierre. Non. Non mais moi l'album de Clara, on est un peu parlé hors antenne, moi je l'écoute avec ma fille et en fait c'est un truc super chouette parce que vu que c'est un album sur la transmission que tu as fait pendant ta grossesse et plusieurs chansons parlent à ton fils, c'est un super album. Écoutez, moi je l'écoute avec ma fille et Roule par exemple, Roule on l'écoute quasiment je pense quotidiennement. Un rapport avec le permis n'a rien à voir. Non, aussi passé Roule sauf à Marseille entre parenthèses. Non mais voilà, c'est un super album, bravo, bravo pour cet album. Moi je vais vous conseiller un bouquin. Le bouquin de un télo. Tu vas voir, de Nick Cave, qui est un artiste que j'aime beaucoup beaucoup. Ah, j'ai pas Nick Cave. Ouais. Moi, je suis paumé sur les imitations de chanteurs de Laura. Moi, ça me régale à chaque fois. Moi, je suis pas certain qu'il y aura le Molière pour le deuxième spectacle où elle fait toutes les. Laura imite les chanteurs. Non. Ça, c'est Oubastank. Non. Non, c'est Nickelback. C'est Nickelback. Mais je vois pourquoi. Non, Nick Cave, c'est comment dire, c'est une sorte d'enfant de Leonard Cohen. Un peu, c'est du rock. Il avait un groupe de rock avec les Bad Seeds. Et puis, des fois, c'est un peu planant, je dirais. Ah oui, avec les Red Sox aussi, ouais, je vois. Ouais, c'est ça, avec les Red Sox. Non, il a fait un bouquin qui s'appelle. Bah, j'ai plus le titre, merde. Attends, Face Hope and Carnage, mais il existe en français. Okay. Donc, foi, espoir et carnage. Et j'imagine. Alors un beau programme. Ouais, ouais. Bah, c'est très Nick Cave. Non, c'est un super bouquin où il parle de la vie, d'anecdotes, de je trucs. Je me permets bien qu'il pleut. Voilà. T'as merci de m'avoir coupé. Non, mais je me permets. Bah, ça donne de la vie, ça. C'est ça qui donne de la foi, vie. Foi, espérance et carnage en français, excusez-moi. Okay. Et en gros, c'est. En vrai, y a pas, ça raconte pas vraiment d'histoire ou quoi, c'est juste des pensées, des trucs qu'il raconte. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il commence à avoir un certain âge, Nick Cave, donc du coup, il a vécu plein de choses. Et vraiment, c'est super chouette. Donc voilà, je vous conseille ce bouquin de Nick Cave, qu'il a pas écrit tout seul, il l'a écrit avec Sean O'Hagan. Okay. Mais voilà, moi je l'ai écrit parce que je suis fan de Nick Cave. Pensées, mais il peut pas les écrire tout seul. Et bah super. Et Clara, c'est quoi tes recommandations? Clara, non, mais moi je vois que ça intéresse pas. Donc, si, justement, je vais aller venir à toi. Le meilleur pour la fin, connasse. Désagréable. Non, on lui donne du l'amour tous les jours et à la fin, Clara. Couille, encore pas en couille, ça me saoule, putain. Alors, un livre aussi. Je lis en ce moment. Tu lis pas, toi. Je lis. T'es un rat. Je lis le film. Oh, mais c'est pas ça, Marocco. Non, c'est quoi? Vous pouvez aller le voir, évidemment. Ouais, c'est un très très joli film. Bien sûr. Non, mais j'avais envie de vous parler du dernier livre de Mona Chollet. Je suis sûre que tu l'as lu aussi. Ah oui, déconstruire. Ouais. Ouais, la culpabilisation. Exactement. La culpabilisation, ouais. C'est ça? Ouais, non, c'est ça. Sortir de la. Résister à la culpabilisation. Ouais, c'est incroyable. Ouais, quelle femme formidable. Incroyable. Ouais. Elle vient me follow back sur Instagram, donc je me suis dit, je vais parler d'elle. Parce que ça... Ah ouais, incroyable ce livre. Hein. Et ouais, il m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je le conseille particulièrement à toutes les jeunes mamans. Ouais. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, très bien. Super. Bah écoutez. C'est la fin de cette émission, un plaisir. Et il pleut plus parce que la vie est bien faite. Ah non, si, c'est moi qui vois rien. On le rappelle, Joli Joli au cinéma, oui. Un film de Diastème avec Laura Felpin, Clara Luciani, mais encore une fois, il y a José Garcia, Vincent De Dienne. C'est ça. Si vous aimez le podcast, il y a presque plus d'invités du podcast que dans Nous les Leroy dans ce film. Il y a William Grégoire Ludic, Vincent De Dienne. Voilà, non mais c'est, il y a un casting formidable et effectivement Jojo, Cédric. Donc ouais, j'ai une comédie musicale comme on en fait moins. Et donc ça fait plaisir de voir ça avec cette jeune génération. C'est le 25 décembre, c'est un cadeau de Noël, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un cadeau de Noël? Merci de nous avoir suivis à tous. C'est un cadeau de Noël. N'oubliez jamais. Aussi noche. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Ça a fait, c'était trop cool, merci. Ouais, merci. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.